Un ambitieux. Le marquis de La Mole reçut l'abbé Pirard sans aucune de ces petites façons de grand seigneur, si polies mais si impertinentes pour qui les comprend. « Mon cher abbé, lui dit le marquis, pour mon procès, exactement parlant, et encore pour chaque procès pris à part, j'ai des avocats qui se tuent. Il m'en est mort un de la poitrine avant-hier. Mais pour mes affaires en général, croiriez-vous, monsieur, que depuis 3 ans j'ai renoncé à trouver un homme qui, pendant qu'il écrit pour moi, daigne songer un peu sérieusement à ce qu'il fait. Au reste, tout ceci n'est qu'une préface. Je vous estime, et j'oserais ajouter, quoique vous voyant pour la première fois, je vous aime. Voulez-vous être mon secrétaire avec 8 000 francs d'appointement ou bien avec le double ? » L'abbé refusa. Mais vers la fin de la conversation, le véritable embarras où il voyait le marquis lui suggéra une idée. J'ai laissé au fond de mon séminaire un pauvre jeune homme qui, si je ne me trompe, va y être rudement persécuté. S'il n'était qu'un simple religieux, il serait déjà in pace. Jusqu'ici, ce jeune homme ne sait que le latin et l'écriture sainte, mais il n'est pas impossible qu'un jour il déploie de grands talents. D'où sort votre jeune homme ? Dit le marquis. On le dit fils d'un charpentier de nos montagnes. Je lui ai vu recevoir une lettre avec une lettre de change de 500 francs. Ah, c'est Julien Sorel, dit le marquis. D'où savez-vous son nom ? Dit l'abbé étonné, et comme il rougissait de sa question. C'est ce que je ne vous dirai pas, répondit le marquis. Eh bien, reprit l'abbé, vous pourriez essayer d'en faire votre secrétaire. Il a de l'énergie, de la raison. En un mot, c'est un essai à tenter. D'après les assurances favorables de l'abbé Pirard, le marquis prit un billet de 1 000 francs. Envoyez ce viatique à Julien Sorel. Faites-le-moi venir. On voit bien, dit l'abbé Pirard, que vous habitez Paris. On ne voudra pas laisser partir Julien Sorel. On saura se couvrir des prétextes les plus habiles, on me répondra qu'il est malade, la poste aura perdu des lettres, etc., etc. Je prendrai un de ces jours une lettre du ministère à l'évêque, dit le marquis. J'oubliais une précaution, dit l'abbé. Ce jeune homme, quoique né bien bas, a le cœur haut. Il ne sera d'aucune utilité si l'on effarouche son orgueil. Vous le rendriez stupide. Cela me plaît, dit le marquis. J'en ferai le camarade de mon fils. Cela suffira-t-il ? Quelque temps après, Julien reçut une lettre d'une écriture inconnue et portant le timbre de Châlons. Il y trouva un mandat sur un marchand de Besançon et l'avis de se rendre à Paris sans délai. La lettre était signée d'un nom supposé, mais en l'ouvrant, Julien avait tressailli. Une feuille d'arbre était tombée à ses pieds. C'était le signe dont il était convenu avec l'abbé Pirard. Le soir avant minuit, Julien était chez Fouquet, dont l'esprit sage fut plus étonné que charmé de l'avenir qui semblait attendre son ami. « Cela finira pour toi, dit cet électeur libéral, par une place du gouvernement qui t'obligera à quelque démarche qui sera vilipendée dans les journaux. » Julien ne vit dans tout cela que la petitesse d'esprit d'un bourgeois de campagne. Il fallait enfin paraître sur le théâtre des grandes choses. Le lendemain, vers midi, il arriva dans Verrières le plus heureux des hommes. Il comptait revoir Madame de Rênal. Il alla d'abord chez son premier protecteur, le bon abbé Chélan. Il trouva une réception sévère. « Croyez-vous m'avoir quelque obligation ?» lui dit Monsieur Chélan sans répondre à son salut. « Vous allez déjeuner avec moi. Et vous quitterez Verrières sans y voir personne. » « Entendre, c'est obéir. » répondit Julien avec une mine de séminaire, et il ne fut plus question que de théologie et de belle latinité. Plus tard, il entra chez un paysan qui consentit à lui vendre une échelle et à le suivre en la portant jusqu'au petit bois qui domine le cours de la Fidélité à Verrières. La nuit était fort noire. Vers 1 heure du matin, Julien, chargé de son échelle, entra dans Verrières. Il descendit le plus tôt qu'il put dans le lit du torrent qui traverse les magnifiques jardins de M. de Rênal à une profondeur de 6 pieds et contenu entre 2 murs. Julien monta facilement avec l'échelle. Remontant alors de terrasse en terrasse, quoique toutes les grilles fussent fermées, il lui fut facile d'arriver jusque sous la fenêtre de la chambre à coucher de Mme de Rênal qui, du côté du jardin, n'était élevée que de 8 ou 10 pieds au-dessus du sol. Il y avait au volet une petite ouverture en forme de cœur que Julien connaissait bien. À son grand chagrin, cette petite ouverture n'était pas éclairée par la lumière intérieure d'une veilleuse. « Grand Dieu !» se dit-il. « Cette nuit, cette chambre n'est pas occupée par Madame de Rênal. Où sera-t-elle couchée ? Je puis rencontrer dans cette chambre sans veilleuse Monsieur de Rênal lui-même ou un étranger, et alors quel esclandre ?» Le plus prudent était de se retirer, mais ce parti fit horreur à Julien. Le cœur tremblant, mais cependant résolu à périr ou à la voir, il jeta de petits cailloux contre le volet. Point de réponse. Il descendit, plaça son échelle contre un des volets, remonta et passa la main dans l'ouverture en forme de cœur. Il eut le bonheur de trouver assez vite le fil de fer attaché au crochet qui fermait le volet. Il tira sur ce fil de fer. Ce fut avec une joie inexprimable qu'il sentit que ce volet n'était plus retenu et cédant à son effort. Il faut l'ouvrir petit à petit et faire reconnaître ma voix. Il ouvrit le volet assez pour passer la tête et en répétant à voix basse « C'est un ami !» Il s'assura, en prêtant l'oreille, que rien ne troublait le silence profond de la chambre. Il réfléchit un peu, puis avec le doigt, il osa frapper contre la vitre. Pas de réponse. Il frappa plus fort. Quand je devrais casser la vitre, il faut en finir. Comme il frappait très fort, il crut entrevoir au milieu de l'extrême obscurité comme une ombre blanche qui traversait la chambre. Tout à coup, il vit une joue qui s'appuyait à la vitre contre laquelle était son œil. Il tressaillit et s'éloigna un peu. Mais la nuit était tellement noire que, même à cette distance, il ne put distinguer si c'était Madame de Rênal. « Daignez m'ouvrir, il faut que je vous parle, je suis trop malheureux !» Et il frappait de façon à briser la vitre. Un petit bruit sec se fit entendre. L'espagnolette de la fenêtre cédait. Il poussa la croisée et sauta légèrement dans la chambre. Le fantôme blanc s'éloignait. Que devint-il quand il comprit un petit cri que c'était Madame de Rênal ? Il la serra dans ses bras, elle tremblait et avait à peine la force de le repousser. « Malheureux, que faites-vous ? » À peine si sa voix convulsive pouvait articuler ces mots, Julien y vit l'indignation la plus vraie. « Après 14 mois de malheur, je ne vous quitterai certainement pas sans vous avoir parlé. « Ton mari est-il à la ville ?» lui dit-il, non pour la braver, mais emporté par l'ancienne habitude. « Ne me parlez pas ainsi de grâce, ou j'appelle mon mari. » Ce refus de tutoiement, cette façon brusque de briser un lien si tendre et sur lequel il comptait encore, portèrent jusqu'au délire le transport d'amour de Julien. « Quoi ? Est-il possible que vous ne m'aimiez plus ?» lui dit-il avec un de ses accents du cœur, si difficile à écouter de sang-froid. Elle ne répondit pas. Pour lui, il pleurait amèrement. Réellement, il n'avait plus la force de parler. Aussi, je suis complètement oublié du seul être qui m'ait jamais aimé. Il pleura longtemps en silence. Il prit sa main, elle voulut la retirer, et cependant, après quelques mouvements presque convulsifs, elle la lui laissa. « Daignez me dire ce qui vous est arrivé, » dit enfin Julien, embarrassé de son silence et d'une voix coupée par les larmes. « Sans doute, » répondit Madame de Rênal d'une voix dure. Le respectable Monsieur Chaland vint me voir. Ce fut en vain que pendant longtemps il voulait obtenir un aveu. Un jour, il eut l'idée de me conduire dans cette église de Dijon où j'ai fait ma première communion. J'avouais tout. Cet homme si bon daigna ne point m'accabler du poids de son indignation. Il s'affligea avec moi. Dans ce temps-là, je vous écrivais tous les jours des lettres que je n'osais vous envoyer. Je les cachais soigneusement, et quand j'étais trop malheureuse, je m'enfermais dans ma chambre et relisais mes lettres. Ma vie s'est écoulée, sinon, heureusement, du moins avec assez de tranquillité. Ne la troublez point, soyez un ami pour moi. « Le meilleur de mes amis. » Julien couvrit ses mains de baisers. Elle sentit qu'il pleurait encore. « Ne pleurez point, vous me faites tant de peine. Dites-moi à votre tour ce que vous avez fait. » Julien ne pouvait parler. Sans penser à ce qu'il racontait, Julien parla des intrigues. Madame de Rênal serra ses mains. « Ce fut alors que vous m'envoyâtes une somme de 500 francs. »« Jamais, » dit Madame de Rênal. C'était une lettre timbrée de Paris et signée Paul Sorel afin de déjouer tous les soupçons. Il s'éleva une petite discussion sur l'origine possible de cette lettre. La position morale changea. Sans le savoir, Madame de Rênal et Julien avaient quitté le ton solennel. Julien passa le bras autour de la taille de son ami. Ce mouvement avait bien des dangers. Elle essaya d'éloigner le bras de Julien qui, avec assez d'habileté, attira son attention dans ce moment par une circonstance intéressante de son récit. Ce bras fut comme oublié et resta dans la position qu'il occupait. De ce moment, tout ce qu'il y avait de céleste dans la position de Julien disparut rapidement de son cœur. Assis à côté d'une femme qu'il adorait, la serrant presque dans ses bras, dans cette chambre où il avait été si heureux, au milieu d'une obscurité profonde, distinguant fort bien que depuis un moment, elle pleurait. Julien faisait durer son récit et parlait de la vie malheureuse qu'il avait menée depuis son départ de Verrières. Ainsi, se disait Madame de Rênal, après un an d'absence, privée presque entièrement de marques de souvenirs, tandis que moi je l'oubliais, il n'était occupé que des jours heureux qu'il avait trouvés à Vergy. Ses sanglots redoublaient. Julien vit le succès de son récit. Il comprit qu'il fallait tenter la dernière ressource. Il arriva brusquement à la lettre qu'il venait de recevoir de Paris. « J'ai pris congé de monsieur l'évêque. »« Quoi ? Vous ne retournez pas à Besançon ? Vous nous quittez pour toujours ?»« Oui, » répondit Julien d'un ton résolu. « Oui, j'abandonne un pays où je suis oublié même de ce que j'ai le plus aimé en ma vie. Et je le quitte pour ne jamais le revoir. Je vais à Paris. »« Tu vas à Paris ? » s'écria assez haut Madame de Rênal. Sa voix était presque étouffée par les larmes et montrait tout l'excès de son trouble. Il n'hésita plus. La crainte du remords lui donnait tout empire sur lui-même. Il ajouta froidement en se levant « Oui, madame, je vous quitte pour toujours. Soyez heureuse. Adieu. » Il fit quelques pas vers la fenêtre. Déjà, il l'ouvrait. Madame de Rênal s'élança vers lui et se précipita dans ses bras. Ainsi, après 3 heures de dialogue, Julien obtint ce qu'il avait désiré avec tant de passion pendant les 2 premières. Un peu plus tôt arrivé, le retour aux sentiments tendres, l'éclipse des remords chez Madame de Rênal eussent été un bonheur divin. Ainsi obtenu avec art, ce ne fut qu'un plaisir. Mais l'aube commençait à dessiner vivement les contours des sapins sur la montagne à l'orient de Verrières. Au lieu de s'en aller, Julien, ivre de volupté, demanda à Madame de Rênal de passer toute la journée cachée dans sa chambre et de ne partir que la nuit suivante. « Et pourquoi pas ? » répondit-elle. « Cette fatale rechute m'ôte toute estime pour moi et fait à jamais mon malheur, et elle le pressait contre son cœur. » Le jour croissait rapidement et éclairait vivement la chambre. Julien retrouva toutes les voluptés de l'orgueil lorsqu'il put revoir dans ses bras et presque à ses pieds cette femme charmante, la seule qu'il eût aimée et qui, peu d'heures auparavant, était tout entière à la crainte d'un Dieu terrible et à l'amour de ses devoirs. Des résolutions fortifiées par un an de constance n'avaient pu tenir devant son courage. « Que m'importe, pensa-t-elle, ce qui peut arriver dans 24 heures, quand Julien sera parti ? Tout ne sera-t-il pas alors pour moi horreur et remords ?» Elle avait comme une idée vague de devoir quitter la vie, mais qu'importe. Après une séparation qu'elle avait crue éternelle, il lui était rendu, elle le revoyait, et ce qu'il avait fait pour parvenir jusqu'à elle montrait tant d'amour. « Ah, mourir, mourir ainsi » s'écriait-elle en le couvrant de baisers. « Mais il ne faut pas que tu meures de faim, » dit-elle en riant. « Viens, d'abord je vais te cacher dans la chambre de Madame de Derville, qui reste toujours fermée à clé. » Elle alla veiller à l'extrémité du corridor, et Julien passa en courant. « Garde-toi d'ouvrir si l'on frappe, » lui dit-elle en l'enfermant à clé. Dans tous les cas, ce ne serait qu'une plaisanterie des enfants en jouant entre eux. « Fais-les venir dans le jardin, sous la fenêtre, » dit Julien, « que j'ai le plaisir de les voir. Fais-les parler. » Après le déjeuner, elle réussit à amener les enfants sous la fenêtre de la chambre de Madame Derville. Il les trouva fort grandis, mais ils avaient pris l'air commun ou bien ses idées avaient changé. Madame de Rênal leur parla de Julien. L'aîné répondit avec amitié et regret pour l'ancien précepteur, mais il se trouva que les cadets l'avaient presque oublié. Jusqu'au dîner, Madame de Rênal n'eut pas un instant à donner à son prisonnier. Le dîner sonné et servi, elle eut l'idée de voler pour lui une assiette de soupe chaude. Madame de Rênal entra hardiment chez Julien. Cette rencontre le fit frémir. « Tu as peur ? » lui dit-elle. « Moi, je braverai tous les dangers du monde, et sans sourciller. Je ne crains qu'une chose. C'est le moment où je serai seul après ton départ. » Et elle le quitta en courant. Ah, se dit Julien exalté, le remords est le seul danger que redoute cette âme sublime. Enfin, le soir vint. M. de Rênal alla au casino. Sa femme avait annoncé une migraine affreuse. Elle se retira chez elle, se hâta de renvoyer Elisa et se releva bien vite pour aller ouvrir à Julien. Julien la serra dans ses bras avec la plus vive passion. Jamais elle ne lui avait semblé si belle. Même à Paris, se disait-il confusément, je ne pourrais rencontrer un plus grand caractère. Elle avait toute la gaucherie d'une femme peu accoutumée à ces sortes de soins, et en même temps le vrai courage d'un être qui ne craint que des dangers d'un autre ordre et bien autrement terrible. Elle était l'imprudence même. Il parlait très haut, et il pouvait être 2 heures du matin quand ils furent interrompus par un coup violent à la porte. C'était M. de Rênal. « Ouvrez-moi bien vite, il y a des voleurs dans la maison, » disait-il. « Saint-Jean a trouvé leur échelle ce matin. » « Voilà la fin de tout !» s'écria Mme de Rênal en se jetant dans les bras de Julien. « Il va nous tuer tous les deux, il ne croit pas aux voleurs. Je vais mourir dans tes bras, plus heureuse à ma mort que je ne le fus de la vie. » Elle ne répondait nullement à son mari qui se fâchait. Elle embrassait Julien avec passion. « Sauve la mère de Stanislas !» lui dit-il avec le regard du commandement. « Je vais sauter dans la cour par la fenêtre du cabinet et me sauver dans le jardin. En attendant, laisse enfoncer la porte. Surtout, point d'aveu, je le défends. Il vaut mieux qu'il ait des soupçons que des certitudes. Tu vas te tuer en sautant !» fut sa seule réponse et sa seule inquiétude. Comme il courait, il entendit siffler une balle et aussitôt le bruit d'un coup de fusil. « Ce n'est pas M. de Rênal, pensa-t-il, il tire trop mal pour cela. » Les chiens couraient en silence à ses côtés. Un second coup cassa apparemment la patte à un chien, car il se mit à pousser des cris lamentables. Un fermier vient aussitôt tirailler de l'autre côté du jardin, mais déjà Julien avait gagné la rive du Doubs. Une heure après, il était à une lieue de Verrières, sur la route de Genève. « Si l'on a des soupçons, pensa Julien, c'est sur la route de Paris qu'on me cherchera. »